Yes man, yes man. Aoui, aoui. De la part de Chef D. S.A.S. you know. Yes. Let's start roll. Yes. Let's go. Na na na na na na na eh. Réfléchis à ta vie, maintenant ça ne sert à rien de courir. Clicha ou bandit, ou c'est des natifs. Vous dites qu'il y a maillonné ou star midi. Et la licoli, parlez menso ou parlez asie. Ungali et maïcha yao. Et la licoli, parlez menso ou parlez asie. Ungali et maïcha. Shana, ooh.